Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumé du Pré 1860. De la très sainte Trinité. Question 27. De la procession des personnes divines. Double procession en Dieu. Note. Le cnrtl.fr donne comme définition pour procession, en théologie chrétienne, production éternelle d'une personne divine par une autre, production du Fils par le Père, production de l'Esprit procédant du Père dans le Fils ou par le Fils, chez les Latins et les Grecs, ou du Père et du Fils, uniquement chez les Latins. D'après Bouillet 1963, fin de la note. 1. Y a-t-il une procession en Dieu? L'Écriture, en beaucoup d'endroits, emploie des termes qui indiquent clairement l'existence d'une procession au sein de la divinité. Notre Seigneur lui-même a dit, « Je procède de Dieu. » Jean 8, 42. Donc il y a une procession en Dieu. Quelle est la nature de cette procession? Ne le demandons ni à l'hérétique Arius, ni à Sabellius, car ces deux novateurs ne reconnaissaient, si l'on examine de près leur doctrine, aucune procession en Dieu même. Arius disait que le Fils procède du Père comme sa première créature, et que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme créature de l'un et de l'autre. Sabellius enseignait que le Père s'appelle Fils en tant qu'il a pris chair dans le sein de Marie, et Saint-Esprit en tant qu'il nous sanctifie. Tout cela ne marquait évidemment qu'une procession hors de Dieu. Il y a, en effet, des processions de deux sortes, les unes sont dites ad extra, parce que l'action passe hors de l'agent, les autres sont appelées ad intra, parce que l'action reste dans l'agent. Pour avoir une idée juste des processions qui sont en Dieu même, processions intra, observons que, la divinité étant au-dessus de tous les êtres, rien de ce qui est en elle ne doit être assimilé aux transformations des corps. Il faut donc par la pensée nous élever aux substances intellectuelles et n'y voir même que des images défectueuses et imparfaites de ce qui existe en Dieu. Gardons-nous bien de comparer la procession des personnes divines à celle qui résulte, dans les créatures corporelles, du mouvement local ou de l'action d'une cause sur un objet étranger. La procession qu'il faut reconnaître en Dieu est une procession analogue à celle dont les opérations de notre entendement nous offrent un exemple. Tout homme qui conçoit quelque chose enfante au-dedans de lui-même une procession, qui est la pensée même de la chose comprise. Cette pensée ou conception qui émane de son intelligence et de la connaissance de son intelligence, la parole est chargée de l'exprimer au dehors, et on l'appelle verbe intérieur. En considérant ainsi l'émanation intellectuelle de notre parole intérieure, vous verrez que, tout en procédant de notre esprit, elle reste cependant en nous. Ne cherchons point ailleurs une image de la procession que la foi catholique reconnaît en Dieu. 2. Y a-t-il en Dieu une procession qu'on puisse appeler génération? La procession du Verbe est, dans la nature divine, une génération, car il est écrit, « Je vous ai engendré aujourd'hui », Psaume 2, 7. La génération, pour les êtres vivants, peut se définir ainsi, l'origine d'un être vivant sortant d'un principe vivant auquel il est uni par ressemblance de nature, c'est proprement la naissance. Or, le Verbe divin renferme, dans sa procession, tous les caractères de la vraie génération, il procède de l'action intellectuelle de Dieu, opération propre à l'être vivant. Il est uni à son principe par ressemblance de nature, puisque la conception, qui est le verbe intérieur émanant de l'intelligence, est l'image de la chose conçue. Il a enfin la nature de l'être dont il procède, car l'être et la conception sont en Dieu une même chose. C'est donc dans toute l'exactitude du mot que la procession du Verbe est appelée génération, et que le Verbe lui-même prend le nom de Fils. Note. L'Écriture et la tradition nous représentent le Verbe comme Fils de Dieu, engendré de Dieu, né de Dieu. Ainsi s'exprime le Concile de Constantinople. Fin de la note. 3. Y a-t-il en Dieu une autre procession que la génération du Verbe? Nous lisons dans Saint Jean que le Saint-Esprit procède du Père. Jean 15, 26. Nous y voyons pareillement que le Saint-Esprit est autre que le Fils. Jean 14, 16. Il existe conséquemment dans la nature divine une autre procession que celle du Verbe. Il y a, en effet, deux actions immanentes dans les êtres spirituels, l'action de l'intelligence et l'action de la volonté. De là deux processions, celle du Verbe, produite par l'intelligence, et celle de l'amour, déterminée par la volonté. Par la procession de l'amour l'objet aimé est dans le sujet aimant, de même que la chose conçue est, par la conception, dans l'esprit qui la conçoit. Il faut, pour cette raison, outre la procession du Verbe, admettre, en Dieu, une autre procession, à savoir la procession d'amour. Note. La fécondité de notre esprit ne se termine pas à la parole intérieure, à cette pensée intellectuelle, à cette image de la vérité, dit Bossuet. Nous aimons cette parole intérieure et l'esprit où elle naît, et, en l'aimant, nous sentons en nous quelque chose qui n'est pas moins précieux que notre esprit et notre pensée, qui est le fruit de l'un et de l'autre, qui les unit. Qui s'unit à eux et ne fait avec eux qu'une même vie. Ainsi, autant qu'il se peut trouver de rapport entre Dieu et l'homme, ainsi, dis-je, se produit en Dieu l'amour éternel, qui sort du Père qui pense, et du Fils qui est sa pensée, pour faire avec lui et sa pensée une même nature également heureuse et parfaite. L'amour de Dieu est substantiel comme sa pensée. Fin de la note. 4. La procession d'amour est-elle une génération? Le Saint-Esprit ne procède point comme engendré. Il n'a été ni fait, ni créé, ni engendré par le Père et le Fils, mais il en procède. Ainsi s'exprime le symbole de Saint Athanase. Que la procession déterminée par l'intelligence suppose une ressemblance et soit par là même une génération, cela se conçoit, tout générateur engendre son semblable, mais, comme la procession produite par la volonté ne suppose pas précisément la ressemblance, et qu'elle implique plutôt un mouvement par lequel on se porte vers quelque chose, elle ne peut pas être appelée une génération. Ce qui procède par l'amour ne procède ni comme engendré, ni comme fils, mais plutôt comme souffle ou esprit, spiritus, que l'on traduit par esprit, signifie proprement souffle, mot qui décèle une impulsion vitale, un mouvement analogue à celui qui s'opère dans notre âme lorsque l'amour nous excite et nous pousse vers quelque chose. Note. La procession du Saint-Esprit peut être appelée spiration, du mot spiritus, d'où vient le nom de Saint-Esprit. Fin de la note. 5. Y a-t-il plus de deux processions en Dieu? Dans la nature spirituelle, on ne trouve que deux actions immanentes, comprendre et vouloir, car la sensation n'est pas de la nature intellectuelle. Il n'y a donc en Dieu que deux processions possibles, celle du Verbe, par laquelle Dieu comprend sa nature, et celle de l'amour, par laquelle il l'aime. Note. On ne saurait dire qu'il y ait d'autres processions dérivant de celle-là au sein de la divinité, car, Dieu comprenant tout et voulant tout par un seul et même acte, il ne se forme pas en lui un verbe d'un autre verbe, un amour d'un autre amour. Son seul verbe est parfait, son seul amour est parfait aussi, et c'est en cela que se révèle la perfection même de sa fécondité. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.